toujours dit, continuer l'école, maximum possible, mec. Je vais t'expliquer pourquoi. Yeah. Déjà dès le CP, élève aux grandes capacités, mais qui ne fout pas grand chose comme tant d'autres dans la cité. J'aimais répondre au prof avec insolence, 14 de moyenne, mais malgré ça la haine trempait mes mots dans la violence. Les notes grimpaient, mais l'attitude ne suivait pas, me saoulait pas. Moi je voulais pas faire l'intello en cours, je ne suivais pas, mais je pouvais pas. En 6ème abonné aux heures de colle, en 3ème carburant pilon, la substance comme pétrole. L'ego restait dans mon crâne, les heures de classe être en place en tant que mes classes, au grand nombre d'heures de sas, accumulation de bises, de jeans, de buts, de 3 points de mise, d'embrouille, de crise, avec des fils de pute. Le langage était grossier, ce que j'ai vécu à cette époque, maintenant on en rigole, c'est des dossiers. L'école doit nous construire, mais les conseillères conspirent pour qu'on se perde, qu'on se tire du cursus, ouais qu'on transpire. Plus que les autres, on a fait plus que des fautes, mais est-ce une raison pour vouloir nous détruire plus que les autres? Le système scolaire est notre avenir, mais y'a des failles, le savoir est une arme, maintenant tu sais boys, sans ça y'a foi. Faut pas décrocher, faut pas cracher dessus, mais s'accrocher au système scolaire. Même si c'est OG, qu'on n'a pas les mêmes chances, faut lâcher la rue avant de prendre trop cher. Ouais. Même si faut les sous, c'est la merde, ça rend fou en toi. Canalise ta colère, mon frère. Parce que faut pas décrocher, faut pas cracher dessus, mais s'accrocher au système scolaire. Ticket. Maternelle, primaire, collège, lycée, rien à glisser facilement, c'est du taf, faut bien tisser sa toile. Certains en général, d'autres en technologique, BEP, CAP, faut pas rester statique comme un pauvre type. Chacun sa life et chacun son taf, faut crier BLR, se reconnaîtront ceux qui savent. En première, je voulais sans agenda, les profs me comprennent pas et disent de moi un gars dispersé, parfois sympa. J'aimais pas les ordres, j'aimais pas les voir, je troquais mon sac pour ma balle quand je rentrais chez moi le soir. Ouais, je gratte des textes en cours de philo, c'est pas Willow, c'est LRM, en cours toujours à cours de stylo. Donc je gratte des feuilles, des pics, des crayons de couleur, j'ai jamais mon matériel, donc je carotte au souffre-douleur. C'est bête, c'est méchant, mais c'est comme ça, des délires d'enfance à époque, des BZ Fog en mode canette de Fanta. Faut pas décrocher, faut pas cracher dessus, mais s'accrocher au système scolaire. Même si c'est OG, qu'on n'a pas les mêmes chances, faut lâcher la rue avant de prendre trop cher. Même si faut les sous, c'est la merde, ça rend fou en toi. Canalise ta colère, mon frère. Parce que faut pas décrocher, faut pas cracher dessus, mais s'accrocher au système scolaire. Malgré tout ça, t'as vu, quoi, ça va pour moi. J'ai eu des galères, mais je suis toujours bien placé dans le tournoi. En phase finale, je vise le bac, la FNAC, la même année, plus BTS, je vais pas moisir à la fac. Même avec des diplômes, la réussite n'est pas certaine. On est limité, loin d'être visé par les accords de Schengen. La même rengaine, je saigne, ken le beat avec la mienne. J'baigne, la coupe est pleine de hits, dedans je baigne. Peine à garder la tête froide quand c'est hoche. On dit que l'école c'est riche, j'y vais, vu que je me remplir les poches. Donc tu l'as, j'apprends à quand la consécration. Pour Béda, façon, j'attends la récré. Création à l'école, faut venir mec, faut tenir, tu sèmes, puis tu récoltes. Dans l'avenir tu vas cueillir mec, les fruits de ta récompense. Le système scolaire en France est bien plus inégalitaire qu'on le pense. Dans les actes, ZUP aux écoles, dénommés ZEP, où les profs nous abusent, trop s'écartent des préceptes des anciens. Vu que l'éducation dégoûte les neugeux, heureux d'être en cours, c'est rare comme quand il neige. Neige, vrai, tiens, si si, toi décrocher, système scolaire mon vieux. Non non, c'est avec ça qu'on en a après, plus tard. Penser sur le long terme, pas sur le court terme. C'est ça qu'on m'a appris, mec. C'est LRM. Abbas à la prod. Si, si. Pas décrocher, système scolaire. Faut pas décrocher, faut pas cracher dessus, mais s'accrocher au système scolaire. Même si c'est OG, qu'on n'a pas les mêmes chances, faut lâcher la rue avant de prendre trop cher. Ouais. Même si faut les sous, c'est la merde, ça rend fou en toi. Canalise ta colère, mon frère. Parce que faut pas décrocher, faut pas cracher dessus, mais s'accrocher au système scolaire.